France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Delisgeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de la semaine scientifique, comme tous les lundis bien sûr, Continent Science, toujours en direct, de la maison de la radio, de la maison ronde, bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire, aujourd'hui, eh bien, une particule élusive, puisque quelques milliards viennent de nous traverser, nous venons d'en produire un certain nombre. Ça s'appelle les neutrinos, au pluriel. Un neutrino, le petit neutre. Et nous allons voir quelle étrange particule c'est dans ce rendez-vous d'aujourd'hui, et cela en compagnie de Jean Iliopoulos, il est physicien théoricien, au laboratoire de l'école normale de la rue Laumont. Et pour bien sûr respecter nos habitudes, tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens le chat. Le chat. Dans l'Égypte antique, le chat était vénéré sous la forme de la déesse Bastet. Et il est aussi représenté souvent à côté d'un homme portant une baguette d'éleveur sur la tombe du roi Bakhet, pas confondre avec Basket. Trois, donc, pour la date, c'est environ 1950 avant Jésus-Christ. Les archéologues ont longtemps pensé que le chat avait été domestiqué justement au temps des pharaons. Les os des chats découverts ces dernières années sur des sites néolithiques raconterait-il une histoire plus ancienne encore? Eh bien, c'est l'hypothèse défendue par les auteurs d'une étude récente et relatant la découverte de tels os dans un village d'agriculteurs néolithiques vers moins 5300, très exactement à Kant-Ukun, dans le centre de la Chine. L'homme, devenu agriculteur, aurait attiré le chat auprès de lui pour lutter contre les rongeurs qui dévalisait ses stocks, bien sûr, à la manière aussi dont il avait, mais bien avant, domestiqué le chien. Retour au chat, il l'aurait donc nourri, l'homme, ce chat, en échange de ses bons et loyaux services. Après le croissant fertile et Chypre. Cette découverte nous apporte un troisième point sur la carte du monde où ce scénario s'est déroulé. À partir du moment où l'agriculture démarre, les souris se multiplient et, bien sûr, les chats sont là aussi. En février 2004, une équipe décrivait la découverte à Chypre d'un squelette de chat dans une tombe humaine d'un village d'agriculteurs ayant vécu 9500 ans avant Jésus-Christ. Le chat était positionné en miroir de l'homme et leur association dans l'au-delà indique que l'homme avait un lien très étroit avec ce chat. L'étude des isotopes de carbone et d'azote présentes dans le collagène des os du chat découvert à Kant-Ukun fournissent des informations complémentaires. Elles montrent que ces chats mangeaient des rongeurs qui, eux-mêmes, mangeaient des graines de millet. Commente Fiona Marshall, une chercheuse de l'étude chinoise. La forme des récipients découverts sur le site conçu pour protéger les céréales révèle ainsi, ou aussi, que ces fermiers avaient des problèmes, évidemment, avec les rongeurs, et il est fort probable que leur relation avec ces chats se soit fondée, là encore, sur la base d'une sorte de mutualisme, d'un intérêt mutuel. Au total, 8 os ont été retrouvés parmi les débris de poterie, d'outils et d'ossements d'autres animaux. Leur analyse a également permis de montrer que l'un des chats était âgé de 6 ans. 6 ans. Une longévité très inhabituelle à l'état sauvage selon Denis Vigne, qui est chercheur au Muséum d'histoire naturelle de Paris et qui a, lui, découvert le chat de Chypre. Elle ne s'explique que si ce chat a été nourri par l'homme. Des arguments néanmoins mettent en doute cette fois, et cela par la voix de Carlos Driscoll du National Institute of Health aux États-Unis, dont les travaux en génétique ont permis d'authentifier Felis silvestris libica, une sous-espèce de ces chats proche-orientaux et africaines, comme l'ancêtre de nos chats domestiques. Les chats sont de mauvais prédateurs contre les rongeurs et rien dans cette étude ne prouve qu'ils aient eu un lien privilégié avec les hommes. Ils peuvent aussi bien avoir été utilisés pour leur fourrure, commente-t-il. Mais cette étude est intéressante car elle ouvre des perspectives, sur l'étude des chats domestiques. Si les zoos trouvés en Chine sont de la sous-espèce Felis silvestris ibricida, cela signifie que les chats ont été importés, quel voyage, depuis le Moyen-Orient, voire le Proche-Orient. Sinon, cela impliquerait que d'autres sous-espèces, celles-là, auraient pu ainsi être domestiquées, des sous-espèces locales. Reste que les études et génétique et morphologique en cours devraient permettre d'élucider cette question pendante toujours. Mais quand le chat a-t-il été domestiqué par l'homme ? Bonjour Jean-Héliopoulos. Bonjour Stéphane. C'est difficile, hein, l'origine du chat, c'est peut-être pas aussi difficile que ce qui va nous occuper aujourd'hui. Mais l'origine, elle remonte tout le temps d'ailleurs, c'est curieux. Oui, c'est vrai. Hein, l'origine de la domestication animale, mais vous voyez qu'on en a trouvé à Chypre. On a trouvé aussi à Chypre des petits hippopotames nains. Sans blague. Oui. C'est vrai. Oui. Ah bon. Et qui ont été chassés par l'homme. Étonnant, hein. Mais il y avait dans les îles et de la mer Égée, aussi dans les îles en Sicile, il y avait des éléphants nains. Alors c'est pas des neutrinos, c'est pas des petits éléphantos. Non. Il y avait en Sicile des éléphants de taille adulte mâle qui faisaient 1m20 au garrot. Ce sont de mini-éléphants. Oui, mais oui, voilà. Ça serait mignon de se promener, non, avec un éléphant, soit bon. Trêve de plaisanterie, venons à des choses plus sérieuses. Première question, Jean-Héliopoulos, quand est-ce que vous avez, vous, rencontré dans votre itinéraire de physicien théoricien cette question qui est restée pendante, si je puis dire, pendant très longtemps, la nature de ces neutrinos, que vous appelez vous-même dans votre ouvrage, élusive, puisqu'on n'arrête pas d'être traversé? Mais élusive, c'est surtout justement par la difficulté de le mettre en évidence. Et c'est quelque chose qui s'explique très bien, c'est pas un mystère. Le neutrino ont des interactions très très faibles avec la matière, oui. Donc leur probabilité d'être absorbé, arrêté par la matière est très faible. Il faut avoir un très grand nombre de neutrinos pour pouvoir arrêter un ou deux pour le mettre en évidence. Alors petite précision là encore, hein. Notre corps, chacun de nous deux, oui. Les trois personnes qui sont dans la cabine, eh bien, par seconde, nous en produisons 5000 de neutrinos. On n'arrête pas. À chaque seconde, là où on parle, on produit 5000 neutrinos qui nous traversent, qui traversent cette pièce. Pas d'interaction, il n'y a pas de petit effet électrique, rien. Et alors, s'il faut maintenant se préoccuper de ce qui nous arrive du soleil, alors là, c'est gigantesque. Il y a le milliard, c'est mille milliards à peu près. Par centimètre carré et par seconde. Sur la Terre. Et on verra après que la question de savoir s'ils arrivent par en dessus ou par en dessous. C'est important. Mais le Soleil, c'est là où il vient du Soleil. Bien sûr. Le nombre qu'on a parlé, c'est les neutrinos qui viennent du Soleil. Les neutrinos solaires. Solaires. Je répète ma question aussi parce que dans votre itinéraire de physicien des hautes énergies, de physicien des particules, le drame, si on peut dire, que l'on va raconter, puisqu'il s'agit quand même d'une pièce absolument magnifique, d'une certaine façon, vous dites que c'est un plus beau morceau de l'histoire même, hein, de la physique des hautes énergies, commence grosso modo en 1930. Hein. On pourrait le faire remonter aussi à Becquerel, dans la mesure où se dégage aussi une première radioactivité bêta. Oui, disons l'histoire pour le monde contemporain, pour ainsi dire, commence en 1914. Oui. C'est les mesures de Chadwick sur le spectre. C'est ça où on commence à avoir des doutes que quelque chose d'autre existait, etc. Et ça culmine en 1930, comme vous avez dit, et avec l'hypothèse de Pauli. Quand vous commencez, donc je reviens à ma question, puisque vous êtes en particulier beaucoup intéressé à certains courants dans cette physique des hautes énergies et aussi à certains quarks, quel était l'état de la question? C'était encore quelque chose pendant, puisque les bonnes expériences sont menées maintenant, puisque c'est le prix Nobel de 2015. Il y en a plusieurs prix Nobel dans l'histoire. Bien sûr, concernant ces... Le neutron, justement, a été une source de prix Nobel assez, assez importante. Non, lorsque moi je commençais, la question, disons, les questions essentielles étaient déjà résolues. Ça veut dire on connaissait l'existence d'un neutron, on connaissait toutes leurs propriétés, et on avait déjà, en 1962, on avait déjà mis en évidence le deuxième neutron, parce qu'il y en avait, maintenant on sait qu'il y en a trois. Oui. Mais on avait déjà mis en évidence le deuxième. Donc les questions essentielles étaient là. Les questions qui, bon, le fait qu'il y avait une troisième, c'était pas une révolution. Bon, s'il y en a deux, pourquoi pas trois? Donc, là, la révolution, c'était lorsqu'on s'est rendu compte que ces particules qu'on croyait de masse nulle, rigoureusement égale à zéro, en fait, elles ont comme une les masse, photons. Oui, comme les photons. En fait, elles ont une masse non nulle. Très, très faible, mais non nulle. Alors, on va voir par quel cheminement on va arriver à cette conclusion que vous donnez dès à présent, Jean Héliopoulos. Cela dit, est-ce que, d'une certaine manière, ça n'est pas une possibilité, vous allez me dire, parce que j'ai pris l'habitude de tester certaines images que vous contrariez, évidemment, oui, et que vous critiquez. Mais c'est le jeu, après tout, que de la vulgarisation de cette discipline, de cette discipline, pardon, tout à fait contre-intuitive, hein, qui est évidemment la réalité du monde microscopique et de toutes leurs propriétés. La matière, c'est du vide, pratiquement. Donc, d'une certaine façon, oui. Il y a beaucoup d'espace entre... Il y a énormément d'espace. Ça, c'était entre déjà connu noyau. par Rutherford. Oui. C'est le premier qui l'a mis en évidence. Il a fallu qu'il mette un film d'or pour que quelque chose, un jour, lui dise, tiens, là, on a quand même trouvé quelque chose, mais alors, qu'est-ce que c'est vide? Ça n'a pas de relation, là encore, non. Ça n'a pas de relation avec le fait que ces particules, qui de ce flux permanent nous traversent, c'est quand même étonnant, n'interagissent pas avec nous. C'est tout autre chose. Non, c'est pas que les particules n'interagissent pas. Elles interagissent, mais très faiblement, très peu. Donc, bon, il y en a de temps à autre, une qui interagit un tout petit peu, mais ça passe totalement inaperçu. Oui. Alors, revenons, comme ça fixe les choses, ce que découvre celui qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, justement, et qui est d'une famille de gens qui sont beaucoup intéressés à l'électricité, celui qui découvre donc le rayonnement qu'on va appeler la radioactivité bêta. Bêta, oui. Qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce que vous pouvez décrire cette première réaction qui est une réaction Oui, en fait, vraiment, ce qu'ils ont vu, c'est que la matière émettait un rayonnement. Au début, d'ailleurs, on n'avait pas compris quel genre de rayonnement. Et ça, on a mis un peu de temps, il y a quelques années. Et d'ailleurs, on a utilisé des lettres de l'alphabet grec, parce qu'on ne savait pas très bien quel genre de rayonnement était ça. On appelait le rayonnement alpha, le rayonnement bêta et le rayonnement gamma. Aujourd'hui, on sait que ce qu'on appelait alpha, c'était en fait de noyaux d'hélium, qui était émis justement par la matière. Et ce qu'on appelait bêta, c'était des électrons, on voyait des électrons qui sortaient, et ce qu'on appelait gamma, c'était des photons. Donc la matière émettait ces trois sortes de rayonnements. Et la chose qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le rayonnement bêta. C'est ça. Donc le bêta, c'était, les gens observaient qu'il y avait des électrons qui sortaient des noyaux. Certains noyaux, pas tous les noyaux, mais certains noyaux émettaient spontanément des électrons. Et c'était ça qu'à l'époque, on ne voyait que ça. N'est-ce pas? Un noyau qui émet des électrons. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ensuite, l'histoire se complique. Parce que d'abord, les gens de l'époque ne pouvaient pas s'imaginer que quelque chose, une particule, puisse sortir d'un noyau sans y être déjà dedans. Aujourd'hui, on sait que ça, c'est trop naïf. Les particules sont créées ou annihilées le moment de l'interaction. Donc, ce n'est pas que l'électron était déjà dans le noyau pour sortir. Il n'y était pas. Pour imaginer ça, ou pour imaginer ça une seconde, Jean-Yves Poulos... Ce n'est pas facile. Non, mais on peut dire qu'il y a, par exemple, quand il y a un rayon cosmique tombe sur une molécule de l'atmosphère, il y a toute une chaîne de réactions. Voilà. Ça n'était pas contenu dans la particule du rayonnement tout cosmique, mais au contraire, il y a tout un bestiaire. Bon exemple, exactement. Hein, on peut donner comme indication. Oui, ça n'était pas voilà. contenu comme exactement, dans un petit voilà. gobelet. Très bien. Quand se produit, le neutrino va naître de cette façon, de toute façon. Voilà, donc le neutrino, de part, on ne savait rien. Bien sûr. Donc on voyait des électrons. Et lorsque je parlais de 1914, c'était la première fois où il y avait des mesures suffisamment précises de l'énergie de ces électrons. Alors maintenant, on entre dans une question technique. Et on peut démontrer par la conservation de l'énergie, qui est un principe quand même sacro-saint de la physique, la Bien conservation sûr. De l'énergie. Alors, on peut démontrer que s'il y a un noyau qui se désintègre, qui donne donc un autre noyau plus un électron, l'énergie de ce dernier est parfaitement fixée. Il y a une valeur, une seule valeur possible qui est liée à la différence de masse de deux. Or, justement, Chadwick, qui était le premier qui a fait ces mesures précises, commençait à trouver des électrons qui avaient des énergies comprises dans un intervalle d'une énergie maximum à une énergie minimum, mais n'importe quelle valeur. Pas une énergie fixe, précise. Comme une espèce de spectre continu. Un spectre continu. Oui. Voilà. D'ailleurs, on appelle dans le jargon de physicien, c'est un spectre continu oui. d'énergie. Étrange. C'est très étrange parce que ça semblait violer la conservation de l'énergie. Il y a eu plusieurs, c'est pas la peine d'entrer dans tous les détails historiques, mais il y a eu plusieurs disons, mesures contradictoires, etc. Les théoriciens, qui étaient comme Niels Bohr, le très grand nom de la physique, Dirac, Einstein, tous ces gens-là, ont essayé de répondre à cette question, et même Niels Bohr avait même des propositions assez iconoclastes, parce qu'il prétendait que, bon, voilà, la conservation de l'énergie est violée, n'est pas exact. Et là-dessus, donc, ça a mis 15 ans presque, n'est-ce pas, jusqu'à... Bon, il y a eu la guerre entre-temps, évidemment, qui a ralenti les recherches. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. D'autres choses à faire. Et en 1930, c'est Pauli qui a fait une proposition... Wolfgang de son prénom. Voilà, Wolfgang Pauli, qui a fait une proposition extraordinaire, parce qu'en fait, il n'a pas publié. Il a écrit une lettre à des collègues qui tenait une conférence à Tübingen. Mesdames, messieurs radioactifs. Oui, mesdames et messieurs radioactifs. C'est comme ça qu'il commence. On peut peut-être le dire, c'était un homme terrible, difficile. Ah, c'était un personnage, bon, disons. Pauli, un de très très grand. Oui. Hein, mais rappelons quand même cette anecdote, parce que ça va donner un petit peu de la chair au personnage, et montrer que vous êtes aussi très très dur entre vous, bien sûr, puisque vous regardez évidemment le bon raisonnement juste avant qu'on entende notre petite virgule, ainsi qu'on l'appelle en langage de radio. Wolfgang Pauli était terrible, parce que dès qu'il y avait une erreur, il la voyait. Et un jour, il a dit une chose terrible, encore plus terrible. Quelqu'un lui faisait donc faisait une petite conférence pour expliquer son travail, son étude, et Pauli regarde et dit, vous savez monsieur, c'est tout à fait juste ce que vous avez fait, tout à fait exact ce que vous avez écrit, c'est totalement inintéressant. Oui, il a dit même, c'est même pas faux. Oui, variante, c'est même pas faux. France Culture, Continent Science. Stéphane Deligeorge. Toujours en compagnie de Jean-Élieu Poulos à la traque donc des neutrinos. Donc, on peut arriver quand même à l'épisode où... Et parce que c'est le diable. Exactement. Même dans l'esprit de Pauli, qu'est-ce que c'est que... Pauli a eu l'idée géniale qui semble très bête, très simple, comme toutes les idées géniales d'ailleurs, de dire, ah ben, écoutez, imaginez que dans cette désintégration bêta, lorsqu'il y a le rayonnement bêta, il n'y a pas que l'électron qui est émis, il y a aussi une autre particule qui, d'ailleurs, lui, l'avait appelé neutron. On n'avait pas découvert le neutron non, à l'époque. Le neutron a été découvert en 32, donc oui. Un an et demi plus tard. Ça se passe, cette histoire se passe décembre 30. Oui. Pauli dit il y a une autre particule qui est neutre, donc on ne voit pas, parce que ça interagit très peu, donc on ne le voit pas, et qui, c'est elle qui emporte l'énergie manquante. Et le compte est bon. Et le compte est bon. Alors, ça, les gens, au début, c'était pas, tout le monde n'a pas accepté. Mais, à 32, Chadwick, toujours le même, a découvert le neutron, qu'il a appelé neutron, qui est le neutron qui se trouve dans le noyau qu'on connaît. Et à ce moment-là, c'est Fermi qui a, un jour, qui essayait d'expliquer les idées de Pauli. Quelqu'un lui a dit, est-ce que cette particule, le neutron de Pauli, est la même que le neutron de Chadwick? Et il dit, non, le neutron de Chadwick est très lourd, etc. Celui-là est un tout petit neutron, et en italien, neutrino. Il naîtrait. Neutrino, c'est le diminutif du neutron. Est-ce qu'on peut faire une incise par rapport à la réaction du physicien théoricien? Toute proportion gardée, cadre tout à fait différent. Lorsque Planck, avec la catastrophe ultraviolette et quelque autre chose, trouve que d'un seul coup, il y a une rupture dans ce qu'on pouvait appeler donc le paradigme ou un des principes qui fait que les choses devaient être continues, et d'un seul coup, elles deviennent discrètes. Oui. Et là, l'autre imagine quelque chose de totalement illusif, qu'on ne voit pas, mais pour la préservation de toute proportion. Oui, bien sûr. C'était pour faire image, pas là, le même. Oui, c'est des propositions qui sont iconoclastes, pour ainsi dire. Bon, dans la suite, je dirais que l'hypothèse de Planck, qui lui a essayé, du point de vue historique, de la garder aussi conservatrice que possible. Planck n'était pas un révolutionnaire. Planck voulait sauver le meuble, pour ainsi dire. C'était son cauchemar, exactement, même. Exactement, voilà. Oui. Donc, mais si on regarde les conséquences de cette hypothèse, c'était beaucoup plus fondamental, a changé beaucoup plus la matière dont on voit la physique que l'hypothèse du neutrino, qui a résulté une particule. Bien sûr. Voilà. Alors, petit détail aussi, il faut se rendre compte par contraste, puisqu'on viendra après aux grands appareillages absolument nécessaires, avec leur tapis de cellules photométriques. À l'époque, on essayait de regarder le freinage possible. On mettait, par exemple, de la graisse. Il y a eu beaucoup de choses pour voir, par exemple, la puissance de pénétration. C'était la première mesure. Les gens essayaient de mesurer justement l'énergie de l'électron. Et les premières mesures étaient basées sur le pouvoir de pénétration dans divers matériaux. Donc on regardait. Et ça, ce n'est pas des mesures précises. Et c'est pour ça que les gens n'étaient pas vraiment arrivés à la nécessité d'introduire une autre particule, parce que leurs mesures n'étaient pas précises. Le grand mérite de Chadwick, c'était justement qu'il a utilisait une méthode nouvelle qui était il avait un compteur qui était en fait le grand maître de compteurs, c'était Geiger, celui qui avait travaillé avec Rutherford dans le reste. Donc il avait un compteur pour compter les électrons et il avait un spectromètre, donc un champ magnétique essentiellement pour mesurer la courbure, et c'est la courbure qui donnait l'énergie, et ça c'est une mesure beaucoup plus précise et qui n'admettait pas de possibilité d'interprétation régive. Et de nouveau, il y a eu, si vous voulez entrer dans les détails historiques, il y a eu une controverse encore, parce qu'il y avait ceux qui disaient, finalement les électrons ont une seule énergie, mais ils perdent une partie de leur énergie en sortant du noyau, parce qu'ils avaient toujours l'idée que les électrons se trouvaient dans le noyau. Comme le gobelet, dans un petit gobelet. Et là, il y a un autre qui était un élève de Chadwick, qui s'appelait Ellis, qui a fait une expérience qui, de nouveau, a ouvert un champ de recherche dans les techniques expérimentales, qui est ce qu'on appelle la calorimétrie. C'est-à-dire qu'il a mesuré toute l'énergie déposée indépendamment de où ça se trouve, si elle était d'un côté ou d'un autre. Et les calorimètres, jusqu'à aujourd'hui, au CERN, par exemple, dans les monnaies, c'est une partie très importante des détecteurs. Bien sûr, bien sûr. Ça sert. Alors, on peut peut-être dire que, réunis d'ailleurs à ce moment-là, avec cette question sous-jacente, mais quelle est cette particule? Quelle est sa nature? Comment est-elle faite? De quoi est-elle faite? On trouve tous les noms. Oui. Vous avez dit Geiger, mais on trouve aussi Otto Hahn, les grands spécialistes. Tous les grands. Et la princesse qui avait été élève de Boltzmann, Meitner. Oui, elle était une très grande dame de la physique nucléaire mondiale. Avec Emmy Noether. C'est en particulier deux femmes qui ont été en but au machisme ambiant, bien évidemment, puisque en particulier Meitner ne pouvait pas faire les expériences dans le laboratoire officiel de Berlin, mais de faire ça dans un laboratoire qui était un petit appendice. Oui, exactement, parce que jusqu'à 1912, je ne sais pas quand, l'accès de femmes au laboratoire était interdit. Oui, bon. Alors... on peut peut-être revenir sur l'attitude de Fermi, là encore, pour mettre les choses, pour faire une sorte de petit tapis historique. Fermi va évidemment fuir l'Italie fasciste. Hein. Beaucoup plus tard, non. En 1933, il était encore, lorsqu'il a fait cette... Il n'y avait pas le fascisme encore. Lorsqu'il avait fait cette fameuse théorie où vraiment il a incorporé le tout, les neutrons, les électrons, tout ça, dans la déclaration bêta, il était toujours en Italie. Il avait fait ça, et d'ailleurs l'histoire, qui est aussi une histoire drôle, c'est que il avait d'abord écrit son article en anglais, il l'a envoyé donc à un journal Nature, prestigieux, et il a reçu une réponse en disant « cet article contient des spéculations sans aucun intérêt pour le lecteur ». Voilà. Il a publié en italien de vie italienne. C'est ça, il a été publié dans une revue de d'importance en tout cas en italien. Voilà. Et cet article a été publié en italien. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il est important maintenant d'écrire, puisqu'il y en a trois, ces neutrinos, de les caractériser. On peut, en regardant la désintégration bêta, voir que, on peut la dire, qu'il va y avoir, entre autres choses, un neutrino à l'issue de ça. Mais c'est la désintégration bêta fait intervenir un seul neutrino, qui est celui qu'on associe à l'électron. Oui. Donc il vient, disons, en paire avec l'électron. Et plus tard, lorsqu'on a découvert qu'il existe ce qu'on appelle le lepton mu, un muon, qui ressemble un peu à l'électron, mais beaucoup plus lourd. La question s'est posée, est-ce qu'il vient aussi avec son propre neutrino? Et la réponse a été donnée expérimentalement à Brookhaven en 1962. La réponse était positive. Le mu vient aussi avec son propre neutrino. Donc, l'électron avait son neutrino, le mu avec son neutrino. Plus tard, lorsqu'on a découvert un troisième lepton qu'on a appelé tau, lui aussi, il venait avec son propre neutrino. Donc, on en a trois. Et il y a une très belle expérience au CERN, au LEP, dans l'ancien accélérateur, par l'ACER, qui ont montré qu'il n'y a que trois, qu'il n'y a pas quatre. C'est ça. Au moins pour s'ils sont légers. Et on les appelle le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino taonique. Oui. Hein? Parce que si on dit tonique, on va croire qu'on veut une boisson gazeuse immédiatement. Donc, et évidemment, alors, on les considère avec, qu'est-ce qu'on peut dire, une masse infinitésimale. Oui, à l'époque, on pensait que c'était ça vient maintenant dans l'époque historique, pour ainsi dire, qu'on connaît. Alors, à l'époque, on pensait tous que tous les trois neutrinos avaient une masse strictement égale à zéro. Ça faisait la théorie plus simple, bref, enfin, il y avait des tas de raisons qu'on aimerait... On avait mis une masse nulle, strictement égale à zéro. Mais alors c'est très étrange là, parce qu'immédiatement, objection, ça se met à ressembler à un photon. Non, parce que le neutrino ont un spin égal à 1/2. Ah et oui, les voilà. Photons, donc un spin égal à 1, donc ce sont des particules totalement différentes. Très différentes, évidemment. Donc, ils avaient la même masse. Mais est-ce que ça veut dire aussi que la question de leur célérité se pose quand même? De la question de la vitesse, de leur vitesse. Ah oui, leur vitesse était, s'ils avaient de masse égale à zéro, leur vitesse était égale à la vitesse de la lumière, comme la vitesse du photon. D'accord. Bon, c'est la relativité qui bien. Implique. C'est quand même bizarre, ça. Hein? Non, c'est pas bizarre. Comme ça, enfin, en avançant, après, on va voir que c'est de moins en moins bizarre. Ça. C'est... Mais de prime abord, c'est bon. Sans masse, donc extrêmement véloce. Très bien. C'est la vitesse de la lumière. Ouais. Est-ce qu'on peut, avant notre petite pause, Jean Héliopoulos, faire ce petit tableau il faut classer ce bestiaire. Vous avez dit lepton. Il faut mobiliser parce que évidemment selon la notion d'ordre, on utilise des mots qui sont d'ailleurs des mots grecs, donc c'est, tout le monde le connaît. Comme... voilà. Oui. Alors, lepton c'est une particule qui n'a pas d'interaction avec les forces nucléaires, qui ne participe pas aux forces nucléaires. Ça c'est la définition. Et en grec, ça veut dire le léger. Oui. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que les électrons sont très légers, mais le taux n'est pas du tout léger, il est lourd. Oui. Mais enfin, bref, on l'appelle toujours lepton. En opposition, il y a ce qu'on appelle hadrons, qui sont avros en grec, ça veut dire fort, qui sont les particules qui sont les constituants de noyaux. Qui ont des forces nucléaires, des interactions fortes. Aujourd'hui, on sait que ce sont les quarks. À l'époque, on pensait que c'était les protons et les neutrons. Bon, on sait maintenant qu'à l'intérieur des protons et des neutrons, il y a des quarks. Petit rappel, à l'intérieur du noyau, cette fois, c'est l'interaction nucléaire forte qui joue, bien évidemment. Elle est très étrange, puisque elle est tellement puissante, plus on est près, que de toute façon, plus on essaye de la distendre, plus elle devient forte. C'est un de ses particularismes. C'est un peu comme ça qu'on la présente. Oui, mais ça, c'est uniquement entre quarks, pas entre protons et neutrons. Oui, évidemment, on est descendu d'une échelle en dessous. Évidemment, je vais un peu vite. Voilà. Et en tout cas, donc, on a compris que d'un côté, il y a ces fameux légers, les leptons, et puis les gros lourds, les hadrons. Donc, on va garder cette dénomination-là et cette classification. Some letters written. Voilà, on pourrait presque dire « I can't believe that this particle pass by me hein, ». Pendant tout le temps, on a parlé, Jean Héliopoulos, et nous voilà, nous avons franchi, en continuant à produire 5000 neutrinos chacun, toutes les secondes, le mi-temps de ce rendez-vous de Continent en Science. Alors, remarque générale, toute cette affaire de neutrinos, pour une fois, c'est une affaire purement expérimentale. On voit très bien, en particulier avec la Splendeur, la cathédrale du modèle standard, que si le boson W n'était pas apparu, et puis à la limite, on pourrait presque dire, si le Higgs n'était pas apparu, ça aurait boité dans vos bureaux de théoriciens. Il se trouve que là, eh bien, ça vient de l'expérience. C'est l'expérience qui va solliciter les théoriciens. À partir d'observations et à partir de modalités expérimentales, donc, de mise en laboratoire, de dispositifs et d'observations et de mesures de ces particules. Est-ce que je dis le vrai? C'est vrai, oui. La physique est une science expérimentale, donc les théoriciens peuvent émettre des hypothèses à un moment, c'est les expérimentateurs. D'ailleurs, Pauli était très... il disait, il était désespéré parce que son hypothèse était en 1930. Oui. Jusqu'aux années 50, 54, 55, on n'avait jamais mis en évidence un neutrino. Alors, justement. Donc, il disait, on ne le verra jamais, c'est terrible, etc. Mais là, c'est la technologie qui a évolué, c'était après la guerre, c'était les années 50, il y avait des réacteurs nucléaires. Alors, les réacteurs nucléaires produisent énormément de neutrons qui, en se désintégrant, produisent énormément de neutrons. Donc, à 54 ou 55, j'ai oublié exactement quand, deux physiciens américains, Reines et Cowan, ont pu observer pour la première fois une réaction provoquée par un neutrino. Donc, ils ont mis en évidence un neutrino. Et d'ailleurs, leur première annonce du résultat, c'était un télégramme à Pauli. Bravo, bravo, messieurs, bravo. Exactement. Vous avez trouvé mon fantôme. Oui, voilà. Hein, dont j'ai postulé l'existence. C'est ainsi que les en choses 1930, se sont... vous voyez, oui. Par contre, 25 ans. Bon, fixe, c'était 50 ans, c'est encore plus. Alors, pour préciser les choses, on va dire qu'il y a trois sources principales de neutrinos. On peut dire d'abord que, évidemment, après les photons, c'est la particule. De plus grand nombre, oui, de tout l'univers. Comme sont les plus légères, sont celles qui ont été produites. Les corps les plus lourds étant synthétisés plus tard dans des étoiles supermassives. Parmi les particules primordiales, sauf s'il y a la matière noire, ça c'est autre chose. Bien sûr. Mais on peut dire de la même façon donc, qu'on peut parler, par exemple, des ondes gravitationnelles primordiales, qu'il y a une partie de photons qui sont des neutrinos qui sont primordiaux, on va dire. Disons, de la grande dans bouffée. L'univers, il y a les neutrinos qui ont été produits au Big Bang, donc c'est au tout début. Il y a des neutrinos qui sont produits de façon continue à l'intérieur des étoiles, parce que les réactions nucléaires qui sont à l'origine de l'énergie solaire produisent des neutrinos, donc en très grand nombre, justement. Il y a des neutrinos qui sont produits par le rayon, maintenant on entre dans l'environnement terrestre. Oui. Alors il y a des neutrinos qui sont produits par le rayonnement cosmique, par les collisions entre autres atmosphères de rayon cosmique qui produisent des pions qui en se désintégrant dans des neutrinos. Donc il y a les neutrinos que j'appellerais atmosphériques, sont produits dans l'autre atmosphère. Et évidemment, il y a aussi les neutrinos qui sont produits aujourd'hui dans nos accélérateurs, parce que tout aussi au CERN, mais aussi à d'autres endroits, on produit des faisceaux de neutrinos pour les étudier. Alors, revenons au Soleil, parce que c'est le mécanisme inverse, d'une certaine manière, que celui des centrales, puisque dans le cadre de la centrale, on va parler de fission, et alors que le Soleil est une, comme toutes les étoiles, une gigantesque machine à fusion. C'est-à-dire qu'on sait le processus inverse, c'est-à-dire qu'il faut contraindre par une pression extraordinaire des deux entités qui n'ont qu'une envie, c'est de ne pas se réunir. Exactement. Hein, voilà. C'est bien ça, la fusion. Voilà. Alors, c'est deux protons qui viennent ensemble, qui forment un déuteron, et dans cette réaction, il y a des neutrinos qui sont produits, avec les électrons. Et ces neutrinos sortent. Deutérium, c'est bien ce que vous avez dit. Pardon? Des deutériums. Deutéron, oui, en fait, deutérium, c'est la molécule, deutéron, c'est le noyau. Bon, ça n'a pas d'importance. Alors, les neutrinos sortent du Soleil, même s'ils sont à l'intérieur du Soleil, ils trouvent, justement, comme ils ne sont pas très absorbés, ils sortent et ils nous arrivent, comme on a dit, 10 puissance 12 par centimètre carré par seconde. Oui, c'est beaucoup. Donc c'est voilà, beaucoup. C'est beaucoup. Mais il y a une espèce de contraste, là encore petite parenthèse, Jean Héliopoulos, c'est qu'on a le sentiment que dès que ça démarre, la machine à fusion d'une étoile qui s'éclaire, oui. On a l'impression que, évidemment, tout ça va sortir extrêmement vite. Or, il faut contrarier un peu cette image, parce que très lentement du cœur. Oui. Le Soleil a tout son temps. C'est oui. Nous qu'on c'est pour ça qu'il va durer quelques milliards. Le Soleil a tout son temps. Oui, il va doucement dans ses... Voilà. Et dans ces jolis rayonnements qu'il nous donne, oui, et qui permettent la vie, bien sûr, oui. Alors, là encore, qu'est-ce qu'on peut... à partir de là, on a compris le processus de fission, on va installer un modèle du Soleil, on va construire oui, et ça, un modèle du oui, Soleil. Oui, on a un modèle qui date d'ailleurs des années... 40, probablement, c'était Bethe qui était le premier qui a... Hans Bethe. Oui, Hans Bethe qui a... Et qui donne une série de réactions nucléaires qui sont à l'origine du rayonnement, en fait, de l'énergie solaire. Donc, comme on connaissait assez... On connaît très bien le rayonnement énergétique du Soleil. Combien d'énergie, parce qu'on le mesure ici. Bon, donc, on sait exactement combien d'énergie... Donc, à partir de là, basé sur le modèle du Soleil, on pouvait calculer le nombre de neutrinos qu'on s'attendrait, le fameux 10 puissance 12, etc. On pouvait les calculer ici. C'était pas facile à voir, parce que, comme on avait dit, les neutrinos sont très difficilement détectables. Et en plus, si on faisait une expérience ici, à la surface de la Terre, on serait gêné par tout le bruit de fond, de rayonnement cosmique, de tout. On ne pourrait pas le voir. Donc, les gens sont allés au fond de puits. En fait, c'était des mines, mines abandonnées ou désaffectées. Souvent, ils sont terre. Hein, oui, tout sous terre, mais vraiment, plus que 1000 mètres, un kilomètre, deux kilomètres, oui, très bas. Et ils ont installé d'énormes détecteurs, qui étaient souvent de l'eau d'ailleurs. Et bon, parce qu'un neutrino qui interagirait quelque part aurait produit un électron. Et l'électron aurait diffusé dans l'eau, aurait produit de la lumière, et il y avait des photomultiplicateurs, ce qu'on appelle, ça veut dire des instruments qui mesuraient en fait la moindre lumière qui pourrait être mise là. Et comme ça, ils ont commencé à mesurer le flux de neutrinos qu'on recevait. Et surprise! Ils trouvaient, en gros, la moitié de ce qu'on s'attendait. Oui. Voilà. Alors, nouvelle question, nouvelle énigme. Pourquoi la moitié? Pourquoi? Oui, à un moment, c'était même un tiers. Et puis oui, après, bon, voilà, ça a été compliqué. Ça changeait vraiment, fait, nettement moins. Oui, nettement moins. Nettement oui. Moins. Ça, c'était clair. Là, encore, petite précision. On va prendre l'exemple, parce qu'il peut faire modèle du super camion. Kande, hein, oui, qui est dévoué aux neutrinos cosmiques et qui est installé au Japon. Oui. C'est quand même une espèce de cuve qui fait 40 mètres de haut sur 40 mètres de diamètre. C'est une cathédrale souterraine. C'est ça, un peu comme le CERN d'ailleurs, voilà, mais avec exactement. Un autre dispositif, avec une eau de très très grande pureté. Exactement. Voilà. Il faut que ce soit évidemment le plus clair possible. C'est très beau d'ailleurs. Il faut que ce soit très clair et il faut que ce soit dépourvu d'une pureté qui pourrait donner des signaux parasites. C'est ça. C'est ça qui est le... Et évidemment, entouré, donc ça c'est la fin du dispositif, c'est des cellules photoélectriques. Hein, donc voilà. Il y a un tapis. C'est d'ailleurs très joli à voir. Oui, si c'est ça. Voyez. Je trouve que c'est assez beau. Oui. C'est même parfois nettoyé à la main. On peut voir. Et là, on voit là, par rapport où il y a deux hommes dans un petit canot, hein, qui sont dans cette espèce de laboratoire tellement étrange, oui, avec cette voûte gigantesque de photorécepteurs. Bref. Et donc, revenons alors à ce tiers, à cette demi. Bon, donc, on avait la moitié, en gros, beaucoup moins. Alors, au début, les gens disaient, oui, mais peut-être que les calculs théoriques ne sont pas précis, peut-être qu'en fait, le modèle du Soleil n'est pas le bon. Enfin, il y avait des tas de doutes comme ça, même si, je vous dis, on aurait du mal à expliquer ce facteur de personne avec une explication convaincante. Et le prix Nobel, le dernier... 2015. Oui, ça, c'était justement, c'est donné à deux chercheurs qui, indépendamment l'un de l'autre, en utilisant des méthodes d'ailleurs différentes, de sources de neutrons différentes, et ils ont nettoyé cette question. Ils ont démontré qu'en fait, le modèle du Soleil était correct. Le Soleil nous envoyait le nombre de neutrinos prévu, mais nous, on ne pouvait détecter qu'une partie. Pourquoi? Parce et voilà, que dans voilà, ce... accrochons-nous. Exactement. Voilà. Dans ce long voyage, le neutrino avait la mauvaise idée de se transformer les uns aux autres. Comme on avait dit qu'il y en avait trois. Ben, allez, on peut le répéter, le neutrino électronique. Et le neutrino muonique et le neutrino taoïque. Taonique. Voilà. Eh bien, nous, en bas, on ne pouvait détecter que le neutrino électronique. Les autres, on ne le voyait pas en première vue. Enfin, au moins, sur les Kamiokande, on ne le voyait pas. Alors, on voyait donc une partie. Les autres ont changé de nature. C'est étrange. Une particule qui commence avec une certaine identité et, dans ce long voyage, change d'identité, devient une autre particule. On appelle ça des oscillations, parce que c'est un va-et-vient continu. C'est ça. Voilà. Donc voilà le... Ça veut dire que le neutrino électronique peut d'un seul coup prendre les oripeaux de celui qui est muonique, et ainsi de suite. Voilà. Et selon le moment du parcours, on va trouver des choses différentes, et avec des masses différentes en particulier. Voilà. Alors, c'est là encore, est-ce que chacun des neutrinos a une antiparticule? En principe, n'importe quelle particule a une antiparticule. Oui. Sauf qu'il y en a des particules qui sont leurs propres antiparticules. Là encore, comme c'est difficile à comprendre. Comme le photon. Et le photon, il n'y a pas d'antiphoton, c'est identique au photon. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que c'est identique au photon. D'accord. Alors, pour le neutrino, on n'en sait rien. On pourrait imaginer qu'il y a, pour chaque neutrino, un antineutrino qui est distinct du premier, mais on pourrait aussi imaginer des schémas théoriques dans lesquels l'antineutrino est identique au neutrino. Bon, donc pour l'instant, c'est une question qui est ouverte du point de vue expérimental, on ne sait pas très bien. Avant de poser peut-être, de passer au cosmologique ou au très très grand, là encore une autre question aussi, c'est que il y a une singularité, c'est que là il faut peut-être s'adresser, à nouveau répéter Jean Iliopoulos, quel est le spin de chacun des neutrinos? On le caractérise comment? C'est toujours un demi. Un demi. Tous les trois ont un spin un demi. Très bien. En général, on dit, et là on va le voir, qu'il peut y avoir une hélicité, hein, une chose un peu donc, particulière. Oui, parce que en mécanique quantique, un spin un demi, c'est comme le spin, c'est comme un moment cinétique. C'est ça, une espèce de mouvement de rotation. Oui, sauf qu'il ne faut pas le voir comme ça. Non, une particule ponctuelle ne peut pas avoir une rotation. Tout est toujours faux. Toutes nos images sont fausses. Bon, mais c'est gardons l'idée d'une toupie. Mais c'est comme un vecteur, donc, n'est-ce pas? Comme le moment cinétique, c'est un vecteur. Donc, il y a une direction. Donc, il y a une direction et il y a une projection sur un axe. Bien sûr. D'accord. En mécanique classique, cette projection peut prendre n'importe quelle valeur parce que ça dépend de l'angle. Or, en mécanique quantique, ça c'est encore une des choses qui sont une bizarrerie de la mécanique quantique, il y a certaines quantités qui ne peuvent prendre que des valeurs discrètes. Donc cette projection en question ne peut prendre que deux valeurs, plus un demi ou moins un demi. Rien au milieu. C'est une balançoire qui passe de 1 mètre à 1 mètre 22, puis à 3 mètres 30, sans continuité. Voilà. Elle fait des plus un demi ou moins un demi. Et c'est ça qu'on appelle l'hélicité plus ou moins, qui est donc la projection sur l'axe du mouvement. Sur l'axe que si vous avez un neutrino qui se balade, donc il a une vitesse, si vous prenez comme axe de projection la vitesse, la projection du spin dans cet axe, sur cet axe, c'est plus un demi ou moins un demi. Quelle importance ça peut avoir, l'hélicité concernant nos neutrinos? Bon, c'est important, mais c'est une importance qui est technique, disons, dans nos théories et dans les propriétés. Difficile à expliquer quand vous dites qui technique. Qui sont plus difficiles à expliquer. Oui. Ça repose sur une brisure de symétrie. Oui, hein, si les masses étaient nulles, oui. Si les masses étaient rigoureusement égales à zéro, comme cette quantité serait conservée. On aurait un neutrino qui aurait une hélicité plus un demi, serait toujours un neutrino avec une hélicité plus un demi, pourrait jamais devenir moins un demi. Or, si les masses ne sont pas nulles, il y a une petite probabilité de changer cette hélicité, de passer de plus un demi à moins un demi. Voilà le... Donc c'est quelque chose qui est fondamental dans la théorie, comment on décrit ces particules. Oui. Là encore, figure de symétrie qui est tout à fait importante. Alors, autre particularisme aussi, c'est que c'est pas la même chose que d'observer les neutrinos qui viennent par en dessous, non. Que ceux qui viennent par-dessus. Mais ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là encore? Bon, ils interagissent très peu. Oui. Alors, quelle différence y a-t-il entre ceux qui viennent d'en haut et ceux qui viennent d'en bas? Bon, en principe, aucune. Il n'y a pas de différence. Mais comme les uns sont propagés plus que les autres, et comme on avait dit que dans leur propagation, ils changent de nature, eh bien voilà, les autres ont eu plus de propagation, donc ils ont eu plus de chances de changer de nature. Que les uns que les autres. Et c'est ça que le Japonais, qui a eu le prix Nobel, a mis en évidence. C'est ça. Donc il y avait eu un temps nécessaire d'oscillation qui fait exactement, que, voilà, à nouveau, ils ont joué donc, au carnaval de, oui, je change de masque, quoi, d'une certaine manière, pour dire les choses de cette façon. Alors, évidemment, maintenant, question pendante. Ils ont une masse difficile à déterminer. On connaît surtout les différences de masse. Oui. Vous m'avez, en préparation de cette émission, fait un petit papier l'état de la situation. C'est-à-dire qu'on connaît les différences de masse, on ne connaît pas les masses propres. Oui, parce que c'est plus difficile à mesurer une valeur absolue de la masse. Et les différences de masse sont liées à ces oscillations qu'on a observées. Les probabilités de passer de l'un à l'autre. Donc ça, sont plus faciles à déterminer. Elles sont très, très faibles. Donc si les masses sont du même ordre de grandeur que les différences de masses, on aura du mal vraiment à les mesurer directement. Parce qu'elles sont tellement faibles, elles sont très difficilement mesurables. Est-ce qu'on peut dire, avant de poser la grande question, d'une certaine manière, en tout cas la question grandiose, que les neutrinos est-ce qu'ils sont strictement soumis et exclusivement soumis à la force faible? Oui, ils sont soumis à la force. Bon, tout le monde est soumis à la force gravitationnelle, d'abord. Oui. Ça, c'est tout le monde. Portée infinie, oui. mais ralentie. Mais très faible, très faible. Très faible, très loin. Voilà. Ouais. Et ensuite, les neutrons ont des interactions faibles, sont soumis à la force faible. Et seulement, ils ne sont pas soumis à la force électromagnétique, ils sont neutres, ils ne sont pas soumis à la force forte, ils sont des leptons, comme on a dit. Oui. Donc, les neutrons n'ont que ces deux interactions. Mais ils ont quand même, justement, le fait qu'ils interagissent tellement peu avec la matière, fait que ces particules, si on arrivait à les étudier bien, à les détecter facilement, sont porteuses d'informations qui sont difficiles à voir autrement. Par exemple, ils nous enseignent sur ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. On ne peut pas voir l'intérieur du Soleil directement. On n'a aucun moyen de voir ce qui se passe au centre du Soleil. Les neutrinos sont les seuls témoins de ce qui se passe vraiment à l'intérieur du Soleil. Et c'est vrai avec les autres étoiles, etc. Bon, le rêve de l'humanité, qui c'est un rêve pour l'instant, malheureusement ça va rester un rêve pour l'instant, c'est de mesurer, justement, de détecter et d'interpréter l'information que les neutrinos qu'on avait appelés du Big Bang primordiaux nous portent. Parce que ça, on aurait pu vraiment voir guillemets, entre guillemets, l'origine du monde. Oui. Bon, c'est pas facile parce que sont, bon, justement, sont tellement difficiles à observer. Que... Toujours élusive, toujours voilà, élusive. En tout cas, question pendante aussi, il manque 90% de ce qui constitue le poids de l'univers, pour aller vite, hein, ou la masse de l'univers. Hein? Le contenu énergétique oui, de c'est l'univers. Ça. Oui. Voilà, oui. Oui, mais les neutrons contribuent très peu. Là. Alors, c'était la grande question, oui. Parce qu'à un moment, on s'est dit... ceux-là, là, si les masses sont très faibles, donc contribuent très peu. Ça sera jamais le candidat à l'explication. Sauf si on trouve des neutrons lourds, entre guillemets. Ça veut dire des neutrons qui sont beaucoup, beaucoup plus lourds que ceux qu'on connaît. Et comme je vous ai dit, il y a une limite par les expériences LEP, qu'il n'y a que 3 neutrinos. Mais en fait, cette information ne s'applique qu'aux neutrinos qui sont relativement légers. S'il y avait un neutrino qui mesurait une centaine de GeV, par exemple, comme le W ou le boson, etc., cette limite ne s'appliquerait pas, on aurait pu l'avoir, et là, ce serait un très bon candidat pour la matière noire. Mais on ne sait pas s'il existe. Est-ce qu'on peut tenir le même raisonnement qu'on a eu d'une certaine manière? Je vous posais la question de savoir ce qu'on peut faire, ou certains disent c'est étrange, pour le boson de Higgs, on n'a pas de masse qui soit supérieure. On a là une espèce de certains interprètent en tout cas les résultats comme indiquant... aucune masse supérieure possible pour ces bosons non, de Higgs. Non, c'est pas une question de masse supérieure, c'est pas une limite. Et le problème avec le boson de Brautengler-Higgs, oui, on y a oui. les mettre quand même tous, parce que c'est en tout. Mais c'est un peu plus long, c'est vrai, mais Higgs, ils sont 3, c'est un trio. Comme, c'est injuste pour les autres, surtout que Braut est mort, le pauvre. Et il oui. n'a pas eu le temps de prendre le prix Nobel. Alors qu'il y en a un qui vit encore, ouais. bien sûr. Oui. Engler et Higgs vivent. Les deux, oui. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est que le grand problème avec le boson de Brautengler-Higgs, c'est pourquoi... C'est la seule particule élémentaire qui n'a pas de spin. Qui est spin zéro. La seule, connue. Voilà. Alors, deuxième point, c'est justement comme il n'y a pas de spin, oui. et n'a pas de raison d'être si légère. Si je peux dire. Et normalement, on s'attendrait qu'une particule qui n'a pas de spin aurait une masse qui est la plus grande possible dans l'univers. Pourquoi elle est coincée à cette petite valeur de masse? On appelle ça parfois un problème de hiérarchie. Oui, hiérarchie d'interaction. Et on n'a pas de réponse là-dessus. Ça n'a rien à voir avec l'importance du dispositif, ça n'a pas de relation non plus avec la capacité possible d'énergie par que l'on peut créer, comme dans l'anneau du CERN avec les anneaux, avec dans ce circuit supraconducteur. Ça n'a rien à voir avec l'échelle du dispositif. Non, c'est pas ça. Évidemment, c'est pour les raisons que vous venez de donner. Ça vous fait rêver encore, Jean-Yves Diopoulos, le neutrinon, le Higgs, bien sûr. toujours, vous continuez à travailler. Voilà. Ben écoutez, on arrive au terme de ce rendez-vous de Continent Science. Toujours traversé à produire nos neutrinos élusifs. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques restent toujours les bienvenues pour nous à la console technique aujourd'hui, Edouard Weinstein. Pour la documentation, Thierry Beauchamp. À la réalisation, d'Annie Journeau, Stéphane Delisgeorges, Continent Science et Balado Diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr, à l'émission Continent Science, c'est là. Vous avez une grande année pour nous télécharger. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales.